Nyang. Merci de nous rester fidèles. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. À l'approche des élections législatives et communales au Burundi, la délégation de l'Union européenne au Burundi et la Belgique en appelle à des élections libres et transparentes, reflétant la volonté de la population. Dans cette édition, on revient sur cette sortie médiatique ce jeudi du porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi sur des messages faisant état de militaires burundais tués en République démocratique du Congo. Et les habitants de la zone urbaine de Kanyosha se réjouissent de l'approvisionnement en eau potable après plus de 6 mois. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Albert Ndouayo. Bienvenue encore une fois. La Belgique est prête à appuyer les médias burundais et les encourage à faire correctement leur travail de porte-voix des difficultés de la population. Une déclaration de l'ambassadeur de la Belgique au Burundi lors d'une visite à la radio-télévision Isanganiro ce jeudi. Il a en outre indiqué que le travail des médias est important. Michael Wimmer apprécie en général les relations belgo-burundaises et en appelle à la transparence et que les élections reflètent la volonté de la population au moment où cette année 2025, il y aura des législatives et des communales, on l'écoute. Le Burundi aura des élections législatives et locales en 2025, en juin 2025. C'est un moment important. C'est d'abord, ce sont les premières élections qui seront découplées des élections présidentielles. Dans le passé, c'était couplé. Donc ça donne l'opportunité justement d'avoir un débat ouvert. C'est aussi la préparation des élections présidentielles de 2027. Nous appelons, nous, Belgique, Union européenne, mais aussi la plupart des bailleurs internationaux et des partenaires du Burundi, à des élections les plus transparentes possibles, les plus ouvertes possibles. Faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et qu'un nombre le plus large puisse aussi participer à ces élections pour que les élections reflètent la volonté de la population. Ça, c'est vraiment très, très important. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes aujourd'hui à la radio-télévision Isanganiro. Certes, vous avez visité d'autres organes de presse. Quelle est votre appréciation générale des médias burundais? Avant tout, je pense que ma visite aux médias, c'est surtout pour envoyer un signal. Envoyer le signal que les médias sont importants. Et quand je dis médias, c'est pas médias un média en particulier, je pense que la diversité est importante. Il faut des médias qui soient indépendants, il faut d'autres médias, c'est très bien qu'il y ait aussi d'autres médias qui soient proches du gouvernement ou proches de l'opposition. C'est bien d'avoir cette diversité-là. Deuxièmement, en ce qui concerne les médias indépendants comme la radio-télé Isanganiro, voilà, continuez à faire votre travail. Vous faites un travail admirable. Vous répercutez les difficultés et les opportunités dans le pays. Alors je sais que souvent on dit, bon, en Burundi il n'y a pas de train, mais en Belgique il y a des trains, on dit qu'on parle toujours des trains qui sont en retard. Il faut, voilà, les deux sont importants, mais il faut aussi pouvoir parler des difficultés qui sont exprimées par la population, parce que ces difficultés-là, c'est mieux que les problèmes s'expriment dans une radio ou dans une télé, plutôt que s'expriment de manière contraire à la loi. Et donc votre travail, il faut continuer à le faire, et donc vous avez tout notre soutien pour cela, vous avez notre appui, parce que c'est vraiment important. Évidemment, je suis ambassadeur auprès des autorités, j'ai été accrédité par le roi des Belges auprès du président Nané Chimier, mais plus largement, ce que je veux, c'est ce dialogue entre population belge et population burundaise, et voilà, quel moyen d'échanger que par les médias. Et l'Union européenne appelle la Commission électorale nationale indépendante CENI à bien gérer les législatives et les communales programmées pour cette année pour qu'elles soient libres et équitables. On appelle d'Elisabeth Pietro, bonne ambassadrice de l'Union européenne au Burundi ce jeudi après l'audience avec l'honorable Emmanuel Senzohagera, président du Sénat. Elle a en outre invité à la CENI à bien organiser ses élections pour qu'elles se passent de façon très transparente. Écoute. Bien sûr, 2025, c'est une année importante pour les Burundis parce que dans quelques mois, on aura les élections parlementaires et législatives, un moment important qui appartient au peuple burundais pour s'exprimer sur son futur à travers l'élection de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Union européenne attache beaucoup d'importance aux élections et on a des élections qui, on est sûr, ils vont être libres, équitables et transparents. Donc, on a échangé sur le sujet des élections et sur le rôle du Parlement gouvernement. Et on a aussi échangé vite sur les relations entre l'Union européenne et les Burundis, qui sont très bonnes, avec un dialogue très fructueux et très utile avec toutes les autorités. Comment appréciez-vous les préparatifs des élections à venir au Burundi? Il y a un cadre légal au Burundi pour la préparation des élections, plusieurs dispositions de loi, et ça c'est justement la façon dans laquelle les élections doivent être organisées. Donc nous pensons que c'est le cadre légal dont le Burundi est doté qui va guider l'organisation des élections. Et c'est important de respecter les cadres légaux, mais ça vaut pour tous les pays du monde. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec cette édition. Le ministère burundais de la Défense s'inscrit en faux contre ceux qui véhiculent des messages qualifiés de ternissant l'image de l'armée burundaise sur les réseaux sociaux. Selon ces messages, des troupes burundaises sont en train d'être tuées dans leur mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Ça, c'était dit par le porte-parole de la Force de défense nationale ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Selon le général de brigade Gaspard Baratuza, ceux qui avancent des chiffres ne font que mentir, bien qu'il évoque le secret défense pour ce qui est du nombre exact des pertes enregistrées par le Burundi sur le champ de bataille. On l'écoute. On tient à signaler que ce qui est véhiculé est faux. J'ai essayé de consulter des informations qui étaient relayées par Pseudo France 24, mais réellement ce n'était pas vrai parce que nous disposons de télévisions, mais aussi des gens qui suivent ça. Ils n'ont pas vu ce message, comme quoi il y aurait des Burundis militaires qui auraient péri là-bas. Ça risque de secouer tout le pays et tout le monde le saurait. Donc, pour dire que c'est une stratégie inventée pour dire ce qui n'est pas vrai, le secret de la guerre. Les professionnels de ce métier le savent et savent des informations à divulguer et à un caractère secret et confidentiel. Mais je tiens à vous signaler que s'il advenait qu'il y ait des morts, parce que le combat c'est le combat, il y a un canal de communication qui est là. On communique à la famille, on l'aide même à venir pour enterrer le leur. Si on donne une information, on communique à qui? C'est à l'ennemi. Donc, raison pour laquelle la question de la gestion de l'information de l'armée, ça se traite à l'intérieur. Le général de brigade Gaspard Baratuza, dont les propos ont été recueillis par Sheila Irambona. Le gouvernement burundais dispose de plusieurs options pour aménager l'espace dans le périmètre qui entre dans le périmètre des services de la présidence à Gasenyi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Et une explication du docteur Emery Nukuri, expert en matière foncière et enseignant d'université, qui souligne cependant que pour que cela soit possible, l'État devrait réviser le code foncier. On l'écoute. L'État a plusieurs options. La première option, c'est de délimiter un périmètre de protection du palais et de ne pas y construire quelque chose. La deuxième option, c'est de dire, j'exproprie les personnes qui sont autour, je vais donner les parcelles à d'autres personnes. Mais notre code foncier ne l'accepte pas. Notre code foncier accepte d'exproprier les gens quand on a un projet d'utilité publique à y implanter. Ça veut dire un projet étatique. Dans ce cas, je pense que notre code, avant qu'il soit révisé, ce n'est pas possible. L'État peut dire, je vais viabiliser ce terrain-là avec la technique de viabilisation par intégration. L'État va calculer les frais de viabilisation. Peut-être la population peut avoir 50% ou 40% de la parcelle. Comme ça, quand on a 10 A, on peut avoir 5 A, les autres 5 A couvrant les frais de viabilisation. C'est une technique qui a été utilisée à Nyabugete et ailleurs et qui marche. L'État peut utiliser une troisième technique, ce qu'on appelle expropriation par intégration. Il peut dire, je vais y faire des bonnes constructions à hauteur, 10 niveaux, 20 niveaux. Le propriétaire de la parcelle, il va avoir peut-être un niveau ou va avoir un appartement au second niveau. C'est une technique qu'on utilise et c'est très bien pourquoi. La population sera intégrée dans les nouveaux logements. L'État peut exproprier les gens des environs et confier son périmètre à des gens qui vont à des entreprises qui construisent des logements à hauteur, qui doivent avoir un certain standing. Un certain standing, c'est un quartier qui abrite le président de la République, le premier ministre, les ministres. Et ça abrite aussi les ambassadeurs. L'État peut vraiment confier son périmètre à des entreprises qui construisent en hauteur. Mais aussi, il peut dire, je délimite le palais. D'une part, il y a un périmètre de protection du palais où on ne va pas construire. Mais dans son périmètre à côté, l'État peut exiger que la personne qui va construire ici va construire par exemple cet niveau. Si la population ne peut pas construire, l'État va autoriser La population à vendre les parcelles à ceux qui sont capables. Parmi toutes ces options, quelle serait la mieux adaptée pour le Burundi? Ça serait de permettre à la population soit de construire les niveaux exigés ou de vendre à quelqu'un qui est capable et de suivre que cela est respecté. Ça, c'est la première option. Deuxième option, l'État peut construire des logements sociaux dans cet endroit précis, exiger par exemple de construire 10 niveaux et la population sera le montant d'une indemnisation et elle pourra avoir un ou deux appartements à l'intérieur. Je pense que ce sera une décision sage qui intègre tout le monde. Le choix le plus sage, c'est de permettre peut-être non seulement le paiement de l'indemnisation, mais permettre une solution qui intègre la population. Et c'est après que le président de la République ait annoncé en date du 27 décembre dernier au cours d'une émission publique que le périmètre autour de Nari House sera réduit. Le président Évariste Ndayishimiye a indiqué qu'il sera également question d'ériger tout proche des infrastructures pour d'autres services publics aux alentours des citoyens pour faire leurs activités privées dans le respect des mesures de sécurité exigées par cet espace. Je vous l'annonçais en titre, les habitants des quartiers Gissio et Kajiji de la zone urbaine de Kanyosha disent qu'ils sont contents d'être alimentés en eau potable. Cela faisait plus de 6 mois qu'ils n'avaient pas d'eau potable. Artemon Vouyekoulé, autorité zonale, dit qu'aujourd'hui la situation a changé, sauf que la partie de Boussoro et Nyabugete connaissent toujours le même problème. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Amazi turaronka na kibazo na kimwe si nakera urutwogaho dushakiye umwanya dushakiye ni wewe gusa kuva ce sont les habitants des quartiers Gissio et Kajiji de la zone Kanyosha commune Muha Amehido Bujumbura qui sont contents de trouver de l'eau propre dans les robinets publics. Ils expliquent qu'il y a plus de 6 mois ce n'était pas facile de puiser de l'eau dans les robinets car ils pouvaient même passer une semaine sans avoir de l'eau propre de la régie des eaux, ce qui a été changé aujourd'hui. Il y avait un moment où on pouvait passer même une semaine sans avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, la situation a changé car nous ne pouvons plus passer une journée sans en avoir. Dernièrement, la question de l'eau était compliquée et c'était difficile de trouver de l'eau dans les robinets. Nous pouvions passer 3 jours sans avoir de l'eau, mais aujourd'hui, nous sommes contents de la situation et il y en a toujours de l'eau dans les robinets. Il demande à la régie des eaux de multiplier les robinets publics afin que les habitants puissent s'épuiser facilement de l'eau. Nous demandons à la régie des eaux de continuer de nous alimenter en eau potable, ce qui va faciliter les travaux d'hygiène. Artemon Vouyekoulé, chef de zone Kanyosha, se dit satisfait des activités déjà réalisées par la régie des eaux, mais souhaite que les parties comme Boussoro et Nyabugete soient aussi alimentées en eau potable. Ce que nous pouvons apprécier sur le manque d'eau dans la zone Kanyosha que nous avons dans le mois passé, nous vous dirons qu'aujourd'hui, donc, il y a une amélioration car il y avait beaucoup de parties donc, qui n'ont pas d'eau dans les différents quartiers. Mais jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il y a des quartiers, donc une partie qui reçoit beaucoup d'eau et d'autres parties qu'il n'y a pas d'eau. C'est la raison pour laquelle nous disons à la régie des eaux si c'est possible d'améliorer ou bien de continuer à mettre beaucoup de forces dans les zones de pompage pour que l'eau puisse arriver dans les quartiers ou bien dans les parties qui n'ont pas d'eau jusqu'à aujourd'hui. C'est une partie de Boussoro et une partie de Nyabugete, quartier Ruziba. Dans les quartiers Gissio et Kajiji, quand tu y arrives, tu trouves de l'eau dans les robinets publics. Et ceux qui en cherchent ne se bousculent pas. Également, dans les ménages de ces quartiers, les habitants disent qu'ils puissent de l'eau à tout moment. Et les Burundais sont appelés à prendre pour modèle l'héritage du Premier ministre Pierre Ngendandoumou en matière d'unité nationale. En appelant ce mercredi, Pajuma Omar et Choyitungiye, secrétaire général du parti MSP Nginzo, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre burundais. Le parti MSP Nginzo demande à la justice et à la commission Vérité et Réconciliation de mener des enquêtes pour que les auteurs soient connus et sanctionnés. On les Son héritage est comme l'unité nationale parce que c'est lui le premier ministre qui a pu résoudre les problèmes qui étaient entre les Burundais. Il y avait des factions qu'on appelait les Moronvia et Casablanca. C'était des Hutus modérés, des Tutsis modérés. Mais lui, il a essayé de composer un gouvernement d'union nationale où tout le monde peut se sentir mieux. Il a fait ça pour éradiquer les malaises qui étaient entre la communauté Hutu et Tutsi. C'est pour cela que toujours nous héritons sa démarche. Ce n'est pas lui seulement, C'était la démarche du prince Louis Rwagasore et de son compagnon Pierre Ngendandoumwe. C'est une démarche que tout le monde peut suivre et il y a encore une nuance. Parce que là où il y a l'unité, rien n'est impossible. Nous pouvons résoudre tous nos problèmes à partir de l'unité. Et dans cette période de préparation des élections, il peut nous aider parce que si on est ensemble, on peut résoudre tous les problèmes ensemble. On voit les problèmes de la même manière parce qu'on est ensemble. Et on construit notre Burundi étant ensemble. C'est ça, il y a une grande nuance. Dans le pacte MSP Nginzo, nous voyons qu'on n'a pas encore puni les assassins ou les commanditaires de la meurtre du premier ministre Pierre Ngendandoumwe. Parce que la première république a enterré toute la réalité. C'est pour cela que nous demandons à son Excellence le président de la République d'aider ou d'honorer sa mémoire parce que même le roi Mwambutsa lui avait donné son titre d'être héros de l'unité nationale. Et on demande encore à la CVR de faire des enquêtes approfondies pour que la vérité soit là, pour que tous les Burundais connaissent la vraie réalité en ce qui concerne la meurtre de Pierre Ngendandoumwe. Djuma Omar Icho Itungiye, secrétaire général du parti MSP Inkinzo, micro de Stella Ndayishimiye. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyangi.